100% francês com Ricardo de Matos. Boa tarde, é com muito agrado que o encontro por aqui, à escuta de mais uma edição do 100% francês. J'ai peur de l'avion, a revelação das fraquezas de Francis Cabrel. Tornamos a ouvir agora o trabalho de 2010 de Thierry Amiel, o tema que dá nome a este trabalho, é este Où vont les histoires? Où vont les histoires? En supposant qu'elles aillent quelque part. Où ça? Histoires, s'il n'y a plus personne pour y croire, dis-moi qui se souviendrait si tu m'oubliais. Je n'aurais pas le temps de faire court mon amour, je n'aurais après l'amour, après la vie. son poésie, son beauté sans un soir d'espoir. Tous ces mois de mai, moi je t'aimais. Je n'aurais pas le temps de faire court mon amour, court mon amour. Je n'aurais pas le temps de faire court, court mon amour, court après l'amour, court après la vie. Notre histoire, en supposant qu'elle s'en aille avec toi. Où ça? Où va notre histoire? Il était une fois, il était déjà trop tard. Ton cœur n'a pas plu que par habitude. Je n'aurais pas le temps de faire court mon après l'amour, après la vie, après notre amour, mon amour. Dis-moi si je peux couvrir tes épaules. Fantástico e até mesmo arrepiante este tema que deu a conhecer esta senhora da Indonésia em 1999, uma altura até polémica em Portugal, se nos lembrarmos daqueles confrontos com Timor. Foi Lané Josahá e a voz de Angam. A primeira estreia desta semana, agora com o segundo single do novo álbum de David Hallyday, agora já sem a companhia da sua irmã, traz este Le Cœur qui Boite. Comme un pont un peu trop court qui s'arrête en plein océan. Je doute parfois que tout l'amour que je donne puisse être suffisant. Comme les ailes d'un oiseau blanc qui n'a rien vu de l'univers. Tant que nécessaire, écoute ces bruits de pas qui résonnent au fond de moi. C'est mon cœur qui boite, mais sa démarche maladroite l'amène toujours vers toi. 100% francês. Estamos agora no 100% francês até 1993, rimou e tudo. Foi nesse ano que ficámos a conhecer as irmãs Native, que vários temas deram a conhecer ao grande público, logo na estreia, um deles foi este Dans tes bras. De regresso aos dias de hoje, 2010, com a mais nova de Joyce Jonathan, Je ne sais pas é uma das mais ouvidas de momento. Na.

100% francês, recuperação para o segundo e último álbum dos Travel Jam, de 1997. Será, portanto, o último desta formação, uma vez que já lá vão 13 anos sem nada de novo. Si tu suis mon regard, já com a mais nova do crânio da música, Benjamin Biolay. Femme dont la beauté semble un don de Dior, que dis-je ? je vois passer la duchesse de Windsor. Ava Gardner et Liz Taylor. Des étoiles venant d'autres cieux. Bien plus que les prières et les livres pieux. Les doigts de Dior peuvent convaincre le monde qui trop souvent l'ignore de croire en Dieu. T'es allé si vite aujourd'hui, grâce à Dieu, dois-je dire adieu. J'ai un petit bureau à la droite de Dior, dois-je dire de Dieu. Un beau jour plaise à Dieu, ou peut-être à Dior, sûrement aux deux. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu. Le nouveau Dior, la mode m'accueillera comme le nouveau Dieu. Le nouveau Dior. Esta é a grande aposta do momento no 100% francês, o humor imperdível, no último trabalho de Zanon Chanfort, Une Vie Saint Laurent. E reservei para o final da seleção oficial de hoje uma grande recuperação. É daqueles temas que se ouviram muito naquela altura, no caso em 1990, mas depois disso tornou-se raro de ouvir. Para contrariar essa tendência, toca agora um dos temas que lhe valeu a nominação nos Victoires de la Musique nesse ano. É Philippe Swann com Jean Ferre. Sauf l'amour. Até daqui a pouco. Le dîner. Non, non. Le café. Non, non. Les parties. Non, non. Entre amis. Non, non. Et les fantaisies d'amour. Thank you. 100% francês. Música extra. Love Bizarre, Paris-sur-Mer, 1994. Si la terre changeait d'apparence, c'est la mer qui viendrait danser tout le long de cette île de France, dont le nom deviendrait censé voguer sur les Champs-Alysées, plus de feux rouges, drapeaux verts. Être heureux ici à Paris sur mer. On verrait à Montmartre un phare éclairer les bateaux à voile, plein d'étoiles et de perles rares qui s'égarent jusqu'à Port-Royal. Nager sous les eaux et les quais du métro, voir les barrières de coraux ici à Paris sur mer. Sur mer, les banlieues seraient des plages immenses qu'on ne voudrait plus jamais quitter. Les cités, des ports de plaisance pour tous ceux qu'on a oubliés. Saint-Germain-des-Plages, un abri pour naufragés solitaires. C'est à Paris sur mer, sur mer, à Paris sur mer. Gaëtan Abrial, 68-2008. 2008. On vit toujours d'amour, mais l'eau n'est plus vraiment fraîche. On pousse la clim à fond pendant que la terre se dessèche. On s'achète une conscience en achetant des produits bio. On commerce équitable, nos scrupules sont au frigo. On pleure ces étoiles pâles qui se voudraient Star Express. Quand on est révolté, on envoie des SMS. Sans mobile apparent, nos consciences déconnectées n'ont qu'une seule obsession, ne plus avoir de relais. 68, Woodstock, ils voulaient changer le monde. 78, Sex Pistols, ils voulaient secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé notre monde. 2008, MySpace, moi j'en fais quoi de ce monde. Je veux bien, mais avec préservatif. Trop croire aux idéaux, à force, ça devient nocif. Nos illusions perdues, qui pourra les retrouver? Le cœur comme GPS, c'est l'amour pour nous guider. 68, Woodstock, ils voulaient changer le monde. 78, Sex Pistols, ils voulaient secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé. Space. Moi j'en fais quoi?